Italien. Alexandre Delval, bonjour. Bonjour. Vous êtes essayiste, vous êtes géopolitologue, spécialiste de l'islamisme, du terrorisme. Vous êtes contributeur pour la web TV La France Libre. Voilà, je suis très heureux que vous soyez là. Vous publiez également Merci. Un livre qui s'appelle La stratégie de l'intimidation du terrorisme djihadiste à l'islamiquement correct. Bon, vous passez pour un esprit pointu, aiguisé. Alors je commence, et puis alors plutôt iconoclaste, hein. On ne peut pas dire que vous soyez mainstream, hein, pensée dominante sur le sujet. Donc je suis content que vous soyez là. Alors c'est très simple. Comment votez-vous sur le Brunet métrique? Est-ce que le courage? Est-ce que c'est la voix espagnole ou Nacio Corse? Hein? Venez chez nous. Ou est-ce que c'est non, repartez, la voix italienne? Sans aucun doute, je n'hésiterai pas une seconde, c'est la voix italienne. Il suffit de voir ce qu'ont fait les Australiens. Quand les Australiens ont lancé en 2014 la campagne Norway avec un militaire qui disait « Attention, vous faites escroquer quand vous donnez votre argent à des passeurs, parce que ces passeurs, déjà, ce sont des voyous, et ils vous promettent un Eldorado, mais il n'y a pas de place pour avoir du travail pour des clandestins, puis de toute façon, on ne doit pas violer la loi, on entre dans un pays en le demandant normalement. » Et ça, c'est devenu courageux, puisque le politiquement correct a diabolisé l'idée même d'appliquer la loi. Aujourd'hui, appliquer la loi, appeler un clandestin, déjà, c'est devenu impossible. Il faut l'appeler un migrant. Certains disent même que les migrants sont extrêmement vertueux, ils sont tous super diplômés, ils apporteraient du bien-être, uniquement du bien-être, ce serait fantastique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut même plus appliquer la loi élémentaire qui dit que quand on entre dans un pays, on entre par des voies légales. Non. Aujourd'hui, c'est devenu fasciste, raciste. Il suffit de voir comment Salvini et tous ceux qui en France l'ont défendu sont traités. Vous êtes une ordure, un fasciste, un homme inhumain, si vous n'acceptez pas des clandestins illégaux qui sont passés par des réseaux de trafiquants qui apportent des terroristes, qui apportent des prostituées, qui apportent des vendeurs de drogue. Par exemple, à Barbès, les vendeurs de drogue ou de fausses cigarettes à Barbès. Est-ce que ceux qui financent ces associations, ces ONG comme SOS Méditerranée, est-ce qu'ils savent que beaucoup de clandestins, eh bien, ça rapporte de l'argent à Acme, les fausses cigarettes vendu à Barbès, que la police n'arrive pas à empêcher, ça rapporte de l'argent aux djihadistes dans le nord de l'Afrique. Donc l'enfer est pavé de bonnes intentions. Dites-moi, il se joue un match assez discret, finalement, en Méditerranée aujourd'hui, non pas la réalité tragique pour ces 629 personnes, parce que le sujet humain est là, et nous souhaitons tous que ces gens soient soignés et s'en sortent et aillent bien. Mais au-delà de cela, il y a un match en coulisses entre l'Europe, les États, les politiques parfois cyniques, d'un bord ou de l'autre, et des ONG. Oui. Des ONG, SOS Méditerranée, j'ai entendu parler du milliardaire américano-hongrois, George Soros. Que vient-il faire dans cette affaire? Alors, le Frontex, l'agence européenne pour la protection des frontières extérieures de l'Union européenne, d'ailleurs son propre directeur Fabrice Leggeri l'a dit, on sait aujourd'hui que la plupart de ces ONG, il y a aussi Médecins Sans Frontières, il y a MOAS, une association italo-américano-maltaise, il y a Save the Children, il y a Eyes, et il y en a plein, j'ai toute une liste, eh bien elles sont pour beaucoup, pas toutes, mais financées par des milliardaires américains, dont Open Society, la grande fondation de George Soros, et tous les qui financent d'ailleurs également les No Borders. C'est un empérateur, c'est un empereur de la finance, milliardaire. Il est cohérent, c'est un libertarien, il y a des libéraux conservateurs, il y a des libéraux libertariens, moi je suis plutôt libéral conservateur, mais lui, libéral libertarien, il pense que les frontières, déjà c'est l'horreur. Le maire de Palerme l'a dit récemment, qui fait partie aussi de ce qu'on appelle la mouvance radical chic, la frontière est un instrument de torture. Donc ce genre de libéraux libertariens pensent que la police, la frontière, c'est horrible, donc le migrant peut venir où il veut, quand il veut, et la légalité, finalement, est illégitime. Donc ce milliardaire, George Soros, hongrois-américain, empereur de la finance, est en train de financer ces ONG dont vous parlez. Ah bon, on a des preuves. Et SOS Méditerranée, là, qui... SOS Méditerranée est financé à 60% par des associations, par des donateurs, mais elle a beaucoup bénéficié du financement de Open Society, notamment pour George Soros pour affréter son bateau Aquarius et d'autres bateaux. Attendez, est-ce que ça veut dire que quelque part on a aujourd'hui des ONG qui avaient envie de tester ce nouveau ministre de l'Intérieur italien pour voir si les populistes sont capables de dire, enfin, de faire ce qu'ils ont dit, c'est-à-dire refuser l'accès de leur côte des désormais aux clandestins. Ben bien sûr, parce que quand on voit les campagnes allez sur le site de SOS Méditerranée, vous voyez des braves enfants, mais personne ne peut être insensible, des petits enfants. Il faut quand même rappeler que rien que pour 2016, il y a eu plus de 5000 migrants qui sont morts en Méditerranée. Justement, faut quand même le rappeler, il y a une réalité. Alors, et tout à fait. Et aujourd'hui, le courage, c'est de dire non aux bateaux clandestins, parce que l'Australie l'a prouvé. Quand en Australie, on avait des gouvernements laxistes qui laissaient venir ces bateaux, je le répète, illégaux. Ces bateaux pratiquent des sauvetages auprès des passeurs, ils se rapprochent des côtes et ils vont soutenir des passeurs qui agissent de manière illégale. Eh bien, quand on acceptait ce laxisme, il y avait de nombreux morts. Oui. Eh bien, depuis que l'Australie refuse tout bateau, à partir même de son point de départ, la marine australienne empêche dès le Sri Lanka, dès la Papouasie, dès l'île Ménos, on empêche les bateaux d'arriver. Eh bien, il n'y a plus de morts dans la mer entre l'Australie et la Papouasie. Ça veut dire que le véritable humanisme consisterait à appliquer la loi, à laisser la marine italienne faire son travail, c'est-à-dire ne pas laisser passer des bateaux qui sont des bateaux de clandestins, à affrétés avec des radars illégaux qui empêchent le travail de la douane et de la marine italienne. Et croyez-moi, il n'y aurait plus de morts en Méditerranée s'il n'y avait pas cet appel d'air. Très intéressant. Salvini a l'air dur. Il est peut-être plus humaniste que tous ces bien-pensants qu'on appelle buonisti en Italie, qui, au nom de belles idées, finalement, créent un appel d'air et donc des morts en Méditerranée. Ouais. Alors, question. Vous imaginez, il y a quand même là, derrière leur radio, là, des gens qui nous écoutent, qui sont en voiture, dans leur pause déjeuner, qui sont à la maison, etc., qui nous écoutent et qui sont des gens... qui ont leur trajectoire, qui sont des humanistes, enfin qui sont comme tout le monde, qui sont des humains, des êtres doués de sensibilité, et qui se disent aujourd'hui, il y a 629 personnes qui sont non pas à la dérive, qui sont pris en charge par un bateau moderne, c'est pas le sujet, mais qui sont paumés en Méditerranée, qui se dirigent vers l'Espagne. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Est-ce que on peut pas dire à ces gens qui nous écoutent là, finalement, il faut les renvoyer chez eux? Enfin, non, moi je pense qu'il faut responsabiliser les hommes politiques démagogues, parce que c'est pas courageux de dire j'accueille des clandestins. Ça fait très bien. Vous êtes reçu dans tous les plateaux de télévision. Vous avez l'éloge de tous les journaux, y compris les journaux de droite qui se donnent bonne conscience. Tout le monde. Vous êtes extrêmement bien vu si vous remettez des prix à SOS Méditerranée comme l'a fait Madame Hidalgo quand elle a récompenser Klaus Vogel, le créateur de cette association, alors que ces associations l'écrivent noir sur blanc. Moi, j'ai le code de bonne conduite du clandestin. Il y a une association W2EU qui travaille avec toutes ces associations, a fait un code pour que le clandestin puisse gruger les lois. On leur donne des numéros de téléphone, des idées assez tordues, assez qui permettent de passer entre les lois. Ces associations pratiquent en permanence une désobéissance civile, une non-application, un refus d'appliquer la loi. Et nos gouvernements, nos mairies, de grands hommes politiques, les récompensent, leur donnent des dotations financières. C'est scandaleux d'un point de vue du droit. Je ne parle pas d'un point de vue idéologique. D'un point de vue du droit, c'est scandaleux. L'Agence européenne de gestion des frontières, Frontex, l'a dénoncé. Ça veut dire que tout ceci se passe en violation du droit national et européen. Est-ce que tu sais comment ces ONG, il en parle, Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur italien, comment il les qualifie? Pour lui, ce sont les vice-passeurs. Mais c'est vrai. Ce sont les complices. Elles vont aider les passeurs. Il faut savoir que, par exemple, ce bateau SOS Méditerranée, le bateau Aquarius, comme d'autres bateaux, comme les bateaux de Moaz ou de Save the Children, maintenant, il faut savoir qu'ils réalisent, ils permettent de réaliser gratuitement, tenez-vous bien, 70, voire 90% du trajet que les passeurs ont fait payer entre 3 et 10 000 euros, à leurs clandestins. Normalement, les clandestins ont payé pour que les passeurs les acheminent en Angleterre, à travers des ports, bien sûr, méditerranéens. Et donc, ils ne font que 20% du trajet. Puis ils sont relayés, pris en charge. Ils font payer plus cher qu'avant un trajet dont les donateurs de ces belles associations, finalement, réalisent 70% ou 80% du trajet. Ça veut dire qu'en gros, quand vous donnez de l'argent à ces associations qui vont secourir des migrants, je le répète, clandestins, vous faites le boulot des passeurs, vous permettez aux passeurs de s'enrichir, puisque leur trajet leur coûte moins cher. Maintenant, ils mettent des gens dans des pneumatiques exprès. Les clandestins se retrouvent dans des bateaux de fortune qui doivent couler au bout de 200 kilomètres maximum, non, de 200 miles, et c'est là que les bateaux des associations les récupèrent. Aquarius fait le travail des passeurs. Il s'appelle Rémi, il est en Gironde, il a fait le 32-16, il n'est pas d'accord, mon cher Rémi, bonjour. Bonjour Eric. Tu n'es pas d'accord? Ah non, carrément pas. Non. Alors tu sais quoi, Rémi, pour que tu aies du temps, que tu puisses déployer tes arguments, je fais passer une minute de pub et après, tapis rouge pour toi, entendu? Ça marche, merci Eric. À tout de suite. Tiffaine, un point sur le brunimétrie, s'il te plaît. Alors, Qu'est-ce que le courage en politique, selon vous? 1. Accueillir les 629 migrants de l'Aquarius comme le proposent les Espagnols ou les Corses. Vous êtes 20% à penser la réponse 1. Ou 2. Dire non comme les Italiens. Et vous êtes toujours 80%. A tout de suite. RMC Radio Brunet. RMC Radio Brunet. Éric Brunet. Qu'est-ce que le courage en politique selon vous? D'ailleurs, je pose la question à Rémi qui m'appelle au 32-16. Il est en Gironde. Mon cher Rémi, rebonjour. Pour toi, le courage en politique, c'est plutôt accueillir les 629 migrants de l'Aquarius, comme le proposent les autorités espagnoles ou les nationalistes corses. Je serai dans un instant avec Gilles Simeoni. Ou bien c'est dire non à l'immigration clandestine, comme le ministre de l'Intérieur italien Salvini. Rémi. Évidemment, Éric, le courage, ça consiste à accueillir. C'est bien plus courageux d'ouvrir sa porte que de la fermer. Entre nous, ton brunimétrie là du jour, son résultat, il fait froid dans le dos. Hein, 80% des gens interrogés qui disent qu'il faudrait les laisser en mer. Voilà. Et je dois dire aussi que ton invité, il fait un peu froid dans le dos. Je dois dire que son illustration sur les vendeurs de cigarettes à Barbès qui financent ACMI, ça méritait une petite vérification quand même. Allez-y, bref, vérifiez. Voilà, bonne idée. Non, évidemment que c'est le courage, ça consiste à aller chercher à sauver des gens qui sont en détresse. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réguler. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas lutter contre les systèmes de passeurs. Mais les gens qui sont en mer, ceux qui risquent leur vie, eux, quel que soit leur statut et leur statut. Et pourquoi risquent-ils leur vie? Parce que j'ai regardé quand même, on n'est pas certain qu'il y ait par exemple des Syriens et des ressortissants sur ce bateau l'Aquarius qui viennent de pays en guerre. Éric, je dirais que peu importe. D'accord. Peu importe, avant d'être dans une situation de droit, les gens qui sont en mer, je te parle de ceux qui sont vraiment dans des situations de détresse où c'est une question de vie ou de mort. Les gens qui sont en mer, ils sont dans une situation de détresse humaine et de danger de mort. Juste question, parce que moi j'ai aucune idée. Quand on est sur l'Aquarius, j'ai pas vu beaucoup d'images. Est-ce qu'on n'est pas en danger de mort une fois qu'on est sur l'Aquarius? Qu'en fait, ils sont en danger de mort dans les bateaux de fortune que les passeurs leur donnent, mais qui font quelques centaines de mètres parfois seulement. Et Aquarius et d'autres ONG vont les chercher au large des côtes libyennes carrément pour assurer gratuitement le transport pour passeurs. Les passeurs sont les plus heureux. Qui sont les bénéficiaires? C'est les passeurs qui envoient la mafia nigérienne. La mafia nigérienne, pourquoi elle est si forte aujourd'hui à Rome et à Naples? Et même en Sicile, parce que beaucoup de ces clandestins, c'est pas du tout des Syriens, c'est des voyous nigériens qui vont alimenter les réseaux de passeurs et les réseaux de drogués et les réseaux de vendeurs de drogue et les réseaux de prostitution. Il faut regarder ce qu'a dit. D'ailleurs, j'ai vu le juge Zoukar de Palerme l'a montré. C'est un juge. On a des enquêtes aujourd'hui, mais il y a des procureurs qui ont prouvé qu'une grande partie de ces migrants, ce sont des voyous. Qu'est-ce qui se passe à Palerme et à Naples en particulier, où il y a des quartiers entiers? Récemment, il y a eu tout un scandale en Italie. Une journaliste italienne faisait un reportage dans le quartier nigérien de Rome, elle s'est fait lyncher en direct, alors qu'elle venait dire, il y a des pauvres gens qui dorment dans des situations, elle n'était même pas du tout hostile. Elle s'est fait lyncher en direct parce qu'elle n'avait pas à mettre les pieds dans le quartier nigérien où on vend la drogue. Et ça, c'est des gens qui sont venus par les ONG. Moi je dis les ONG, ces ONG sont criminelles car elles aident des réseaux criminels, des réseaux de passeurs. C'est bien beau, les belles idées, mais ce sont énormément de voyous qui passent par ces réseaux. D'ailleurs, quand on est clandestin et qu'on risque sa vie, à ses risques et périls. Alexandre Delval. C'est un choix. Ces gens font un choix de choisir l'illégalité. Je vais répondre, je vais repasser le micro à Rémi qui m'appelle de Gironde. Alexandre Delval, la question que soulève Rémi, c'est quel statut, qui sont les gens, les 629 migrants qui sont aujourd'hui sur ce bateau, l'Aquarius, qui se dirige vers l'Espagne? Une majorité de Tunisiens. Dont la justice est considérée fiable et que l'on pourrait parfaitement rapatrier chez eux en appliquant la loi. C'est pas les partis de droite qui le disent, c'est la loi. La loi permet de rapatrier les gens qui ne sont pas accueillis parce qu'ils n'ont pas choisi les voies légales. On peut les rapatrier si le pays est relativement sûr. La Tunisie fait partie des pays relativement sûrs. Il n'y a aucune raison que la Tunisie ne reprenne pas des illégaux qu'elle refuse de reprendre. Et tous ces pays avec qui on collabore et on coopère en Méditerranée, c'est assez scandaleux, ils refusent de coopérer avec nos polices, ils refusent de réadmettre des gens qui sont venus de manière illégale. Pourquoi les pays du Maghreb, j'y pense, association d'idées, pourquoi les pays du Maghreb jouent si peu, justement, aujourd'hui, la carte de la solidarité vis-à-vis de ces migrants? Parce qu'ils se débarrassent de chômeurs et de voyous, en grande partie. Un jour, un haut fonctionnaire marocain me disait, on n'a pas de raison de reprendre des gens du RIF, qui est la région qui nous pose le plus de problèmes. Et on les retrouve en Belgique et en France. Alors c'est très cynique, je sais, c'est pas agréable à entendre, mais les paroles vraies sont pas toujours agréables à entendre, comme disait là-haut dessus. Mais personne, vous êtes le premier, moi, à me dire que sur ce bateau, il y a une majorité de Tunisiens. C'est des Tunisiens, des Maghrébins, des Érythréens, des Soudanais, donc des Soudanais, des Érythréens, vous voyez, c'est des pays, c'est pas la Syrie. Pas la Syrie. Et certes, il y a des misères, mais l'Afrique va doubler dans 30 ans. Il y aura 1 milliard d'Africains en plus. Est-ce qu'on doit accueillir 1 milliard d'Africains? Donc c'est stupide de croire qu'en accueillant quelques bateaux, on va sauver le problème de l'Afrique. Le vrai humanisme consisterait à aller électrifier les villes, les villages en Afrique et permettre l'eau potable dans des villages en Afrique. Ça, ce serait le véritable humanisme. Et c'est pas du tout ce qu'on fait en aidant les passeurs à acheminer des clandestins. Je fais mon rôle de vérificateur de l'info et j'ai trouvé les chiffres donnés par le ministère italien de l'Intérieur sur les nationalités des gens qui arrivent par la mer en Italie, donc depuis la Méditerranée. Première nationalité, les Tunisiens, depuis le début de l'année. 1910, du 1er janvier au 30 avril, Tunisiens sont arrivés par mer en Italie. 1910. Parce que la gamelle est bonne en Italie. 35 euros par jour, c'est mieux que ce que gagne un paysan sicilien. 35 euros par jour pour un clandestin. 1910, depuis le 1er janvier en 2018. Donc, ils étaient 231 en 2017. Donc, ça explose, les Tunisiens. Ah oui. Et deuxième chose, parce que ça fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux, votre insertion sur les cigarettes, les vendeurs de cigarettes qui alimentent le terrorisme. J'ai trouvé un rapport remis récemment au ministre du budget et des finances, il y a quelques temps maintenant, mais par l'association française qui lutte contre la contrefaçon, l'Unifab, qui disait qu'effectivement la vente de produits contrefaits, dont les cigarettes, alimente bel et bien aujourd'hui les organisations terroristes. Mais vous savez que l'un des chefs d'ACMI, on l'appelle l'imam Malboro, parce que c'était lui, l'imam Belmortal, c'est lui qui a créé les premiers trafics de fausses cigarettes. Donc moi je dis, tous ceux qui aident les ONG à faire venir des migrants, il faut qu'ils sachent que parmi ces migrants, il y a de nombreux trafiquants, il y a même quelques terroristes minoritaires, mais il y a de très nombreux trafiquants qui alimentent des réseaux, dans le meilleur des cas, de l'économie noire. Gilles Simeoni, président du conseil exécutif de Corse, est au téléphone avec moi. Bonjour Gilles. Oui, bonjour Monsieur Ruinet. Merci d'être avec nous. Contre toute attente, enfin on ne s'y attendait pas, des Corses aujourd'hui, de l'exécutif, du conseil de Corse, on dit, nous, Corse, peuple corse, nous sommes disposés à accueillir, à aider ce bateau. Voilà. Est-ce que ça reflète l'état d'esprit de l'île d'ailleurs ? Très majoritairement, je pense. Vous savez, c'est une décision de façon collective. Moi-même, le président de l'Assemblée de Corse, l'ensemble du conseil exécutif, de la majorité territoriale. Mais j'allais dire, c'est une réaction presque spontanée. Vous savez, lorsque j'ai vu que hier soir, ces personnes étaient sur un bateau avec des conditions météo qui se dégradaient, on nous disait que les vivres manquaient, que le port de Valence, qui avait été envisagé dans un premier temps, était trop lointain. Nous sommes dit tout simplement, ces gens qui sont à quelques dizaines ou à quelques centaines de kilomètres de chez nous, qui ont froid, qui ont faim, qui ont peur, on ne peut pas les laisser comme ça. Et quand il y a une tempête et un bateau, et lorsqu'on dispose d'un port, il me semble que c'est naturel que de le proposer. Oui, enfin, le bateau n'a jamais menacé de chavirer. Aujourd'hui, ce bateau, l'Aquarius, est un bateau sérieux, solide, qui va tranquillement vers les côtes espagnoles. Je ne dis pas que c'est confort, loin s'en faut, mais enfin, les gens sont alimentés, etc. Donc, il n'y a pas de remise en cause. Est-ce que non, mais parce que je sais que parfois, certains Corses sont assez pointilleux sur... La question de l'immigration, je suis pas certain que ce matin sur les réseaux sociaux il n'y ait pas eu des Corses qui vous aient dit oh là là Gilles Simeoni, vous êtes un peu exalté. Il y en a aussi qui disent ça, il y a des gens qui ont ce type de réaction en Corse et ailleurs. Oui. Ceci étant, vous savez, le peuple corse, il a aussi une tradition ancestrale d'hospitalité. Et puis au-delà des Corses, je crois que la France, l'Europe se sont construits sur des valeurs universelles d'humanisme, de solidarité, de fraternité. Alors là aussi, il ne faut pas faire de démagogie. On sait très bien que c'est un problème complexe. C'est peut-être plus facile pour nous aujourd'hui de dire, écoutez, on peut vous accueillir pour vous abriter dans le port, parce qu'il n'y a pas beaucoup de migrants chez nous, il y a des territoires où il y en a des centaines et des milliers, on sait que ça pose des problèmes difficiles, mais en même temps on peut pas se contenter d'une situation où on voit des gens, parce que là c'est vrai qu'il n'y avait pas de danger, mais on sait que la Méditerranée est aussi en train de se transformer en cimetière, qu'il y a des gens qui se noient, qu'il y a des enfants qui sont privés de leurs parents, et humainement, je pense que c'est une situation qui est pas tenable. Dites, pas Gilles Simeoni, je pense, en vous écoutant, à une autre île de Méditerranée, la Sicile, qui a plus de population que la Corse, bien sûr, hein, je crois que c'est un cinquième de la population italienne. Entre 5 et 6 millions d'habitants. Entre 5 et 6 millions. Où c'est très compliqué, hein, il y a des quartiers entiers à la périphérie des grandes villes, de Palerme, qui se sont développés avec aujourd'hui des étrangers migrants qui se sont installés, qui parfois on empêche l'accès, enfin il y a des problèmes sociaux d'insécurité majeure. Bref, une partie de la Sicile urbaine a changé de visage sous la pression de ces migrants au fil des derniers mois. Et justement, la question c'est, est-ce que la Corse, est-ce que vous ne redoutez pas qu'elle subisse un peu les mêmes problèmes? Bah, écoutez, c'est évident que des populations qui sont confrontées à ce type d'évolution ne peuvent avoir que des réflexes d'inquiétude, de peur, voire de rejet. Mais les réflexes, il faut aussi les combattre, et surtout, il faut proposer des solutions alternatives. C'est vrai qu'il y a quelques personnes qui, ce matin, m'ont appelé pour me dire « Attention, ne commence pas à faire venir des centaines de personnes, où on va les mettre, on va se retrouver avec des problèmes. » Il y a aussi, en beaucoup plus grand nombre, des gens qui m'ont dit c'est bien parce que c'est conforme à ce que nous sommes, à nos valeurs, et quand il y a des gens en France, il faut les aider. Dites, vous avez envoyé un petit pavé dans le jardin de l'Élysée, là, parce que c'est une façon de dire à Macron, dis donc, t'as rien foutu, t'es muet, tu dis rien, ben c'est nous les Corses qui tendons la main à des gens en détresse. Il y a un côté un peu, vous avez fait un petit coup politique aussi, Gilles Simeoni. Bah écoutez, si vous l'interprétez comme ça, je ne veux pas contester votre analyse, mais en tout cas, c'est pas l'objectif. Je crois que ce sont des questions trop délicates et trop douloureuses pour avoir la tentation de les instrumentaliser. Nous, on a réagi de façon spontanée face à une situation qui est une situation d'urgence humanitaire. Si ça peut servir à mobiliser les gens, et si ça peut servir à débloquer une situation pour que les États qui ont le pouvoir et la compétence pour apporter des réponses de fond le fassent, le fassent vite et mieux qu'ils ne l'ont fait jusqu'à aujourd'hui, eh bien, la Corse aura pris sa part. Oui, bon, si demain, bon, l'équation change, il y a un problème avec l'Espagne, voilà, si on dit la Corse les accueille tous, là, vous dites oui? Non, la Corse, elle n'est pas en capacité. Non, tous, je parle de l'Aquarius, bien sûr. L'Aquarius, s'il y a des gens qui arrivent chez nous, et je veux dire, on va pas les rejeter à la mer. Bien sûr. Et je l'ai dit ce matin, on n'a pas les structures pour accueillir durablement des centaines de personnes. Mais par contre, en même temps, on va pas détourner le regard quand il y a des gens qui sont en situation de souffrance. À quelques encablures de chez nous. Ouais. C'est pas conforme. Ça s'entend, tout à fait. Ça s'entend. Gilles Simeoni, je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir, Gilles Simeoni. Il est 13h40. Je reviens vers Rémi. Tiens, Alexandre Delval, on va revenir vers Rémi qui nous appelle de Gironde. Bon, vous comprenez ce qu'ont fait les Corses, Rémi, hein? Ah, je trouve ça superbe. C'est un très beau geste. Alors si derrière il y a un peu de calcul, ben très bien, vive le calcul, très bien. Ouais. Non, franchement, Eric, croire que c'est en évitant de secourir les gens qui sont sur des radeaux en Méditerranée. Mais c'est pas un radeau, il est sur un bateau. Il coûte 11 000 euros par jour, ce bateau. Ils recueillent, ils vont chercher les gens qui sont sur les radeaux et ailleurs. Ils vont pas les chercher sur les côtes. Ouais. Ils vont les chercher au large des côtes libyennes. Renseignez-vous. Oui, dans l'océan. Ils vont aider les passeurs à faire un trajet gratuit. Rémi, juste une seconde. En gros, on a des passeurs qui partent des côtes libyennes, qui passent des coups de fil à ces... Oui, on a des preuves. Le juge de Palerme, Zuccaro, c'est pas Delval, hein, c'est le juge de Palerme, il y a eu une enquête depuis 2014, a prouvé qu'il y a une collaboration entre les ONG et les passeurs, une collaboration directe, ils ont des systèmes de radar et des téléphones, des numéros spéciaux, ils arrivent à s'avertir, et les passeurs disent, voilà, on est en train de partir de la côte, venez nous chercher, parce qu'on les a mis dans un pneumatique, ils vont crever dans pas très longtemps. Et le bateau qui coûte 11 000 euros par jour, vous voyez le genre de bateau, c'est pas des bateaux de fortune, c'est des bateaux très très bien. D'ailleurs, le créateur d'SOS Méditerranée, c'est un ancien marin, c'est un professionnel. Et là, c'est là que les ONG, je le dis, je le répète, c'est le procureur de Palerme qui le dit. Ils vont aider les passeurs. Ces ONG sont les alliés des passeurs qui aident à faire des réseaux de délinquance au niveau international. Mais Rémi, réseaux criminels. Ça, tu dois l'entendre quand même, Rémi. Je reviens, mais tu dois l'entendre, c'est des faits. Vérifier Carmelo Zuccaro, procureur de Palerme. Rémi. C'est prendre la situation par le mauvais bout. Croire que c'est en évitant de secourir les gens qui sont en Méditerranée, quelle que soit la zone en Méditerranée, que ce, croire que c'est en évitant de secourir qu'on va punir et qu'on va mettre en difficulté les passeurs, enfin c'est absurde. Je ne dis pas qu'il faut pas lutter contre les systèmes de passeurs, mais c'est pas en évitant ou en empêchant. Et bien alors comment on fait pour lutter? Comment on fait pour lutter? Alors parce que il y a des actions de police organisées. Oui, mais non, elles sont empêchées par les ONG. Les ONG dans leur manuel disent qu'il ne faut pas obéir aux lois, qu'il faut désobéir, qu'il faut gruger les lois, qu'il faut détourner l'attention des douanes et des marins. Non, alors, mais on a des manuels. Ils l'expliquent dans leur manuel. Alors redites-nous comment font les Australiens. Alors comment font les Australiens? Si l'Europe était confiée en mandat de gestion à l'Australie. Si j'étais ministre de l'Intérieur, je n'aurais aucune hésitation. Et c'est le véritable humanisme. Je ferais comme l'Australie une campagne No Way. Je mettrais peut-être pas un général comme ils ont fait, mais un ministre de l'Intérieur qui ferait une petite vidéo. Ne croyez pas les passeurs qui vous promettent un Eldorado qui n'existe pas. Vous allez vous retrouver dans des rues à Paris à dormir parce que les Français eux-mêmes sont dans un chômage extrême. Et de toute façon, l'immigration, elle doit être choisie et pas subie. Vous voulez venir chez nous, vous postulez dans les réseaux consulaires, dans les ambassades. De manière illégale, on ne peut pas accepter l'illégalité. Oui, mais il y a l'équivalent de ces gonflables qui quittent les côtes. Alors, elle est là. Parce que Rémi, finalement, ce que vous dites très bien... La marine italienne ne dit qu'une chose, c'est quand le bateau est sur les flots... Non. Bon, il faut le secourir, Le chef de la marine italienne l'a dit très clairement, on reconduit les gens d'où ils arrivent. C'est parfaitement possible, mais aujourd'hui, les pressions des ONG immigrationnistes et du politiquement correct a fait plier les États, et même l'Agence européenne des frontières qui pourtant a dénoncé cela, pour qu'on n'applique pas la loi. On peut très bien reconduire tout le monde chez soi, c'est ce qu'a fait l'Australie, et c'est sûr, c'est dur à entendre pour les buonisti. Il y a plus de morts entre l'Australie et la Papouasie, et les différentes îles. Il y avait énormément de morts, il y avait des milliers de morts, il n'y a plus de morts depuis que les flux sont carrément bloqués. Et pourquoi les Tunisiens viennent massivement en Italie? Pas parce qu'ils sont victimes d'une guerre civile, parce que tout simplement, il a raison le ministre de l'Intérieur français quand il a dit ils font leur benchmark. Quelqu'un qui n'a rien chez lui et il sait qu'en Italie... Leur benchmark, c'était leur choix. Voilà, comme a dit, ça a choqué quand Monsieur Colomb l'a dit, mais il avait raison. Eh bien, moi, si je sais qu'on est en Sicile, dans un camp où on me donne même de la nourriture halal, parce que ces clandestins refusent la nourriture halal dans leur camp, j'ai de la nourriture halal, j'ai téléphone portable, j'ai des réseaux d'ordinateurs et j'ai 35 € par jour minimum. Alors qu'un paysan sicilien, il a même pas 20 € par jour. Comment voulez-vous qu'on ne vote pas populiste? Moi, je dis à Rémi... Vous êtes sicilien, vous, Alexandre? Moi, je suis d'origine sicilienne. Je connais très bien le maire de Catane qui vient d'être élu. Vous savez pourquoi il a été élu, le maire de Catane, qui est Forza Italia? Parce qu'il a été élu sur un programme d'arrêter ce laxisme. Les Siciliens n'en peuvent plus. Le maire de Palerme va bientôt être battu, il va être balayé. Et la région de Palerme est repassée à droite parce que tous ces buonisti, qui sont très généreux avec les maisons des autres... Les buonisti, c'est quoi, les droits de l'homiste? Ça veut dire les bonistes ou les droits de l'homiste. Moi, je l'ai dit d'ailleurs à plusieurs personnes. J'ai même dit une fois NKN. Je lui ai dit, mais combien vous en prenez chez vous? Moi, j'aimerais bien rencontrer le pape aussi. Combien vous en prenez chez vous? Monsieur Rémy, combien vous en prenez chez vous? Tous ceux qui veulent accueillir tout le monde, combien vous en prenez chez vous? Je connais une seule personne qui est cohérente, un ami chrétien. Il a pris des Syriens chez lui, qui étaient des vrais Syriens, qui étaient victimes d'un carnage. Il a été cohérent. Mais tous ceux qui veulent accueillir les autres avec les maisons des pauvres, avec l'argent des contribuables, je leur dis combien ils en prennent chez eux. Je répète la question. Alexandre Delval, géopolitologue, essayiste qui publie La stratégie de l'intimidation du terrorisme djihadiste à l'islamiquement correct aux éditions L'Artilleur. On le retrouve également sur la web TV La France Libre. Il est enseignant, il est prof dans les écoles de commerce et c'est une voix assez rare, assez précieuse, assez iconoclaste. Voilà, quand c'est la première fois au début, ça pique un peu. Voilà. Ça pique, mais c'est la stricte légalité. Et je voulais juste préciser deux choses très très rapidement. Pour l'Australie, ça n'a pas toujours été géré dans les meilleures conditions non plus. Il y a notamment un camp de réfugiés où ils ont mené en Papouasie-Nouvelle-Guinée qui a dû être fermé parce que les conditions étaient trafics. Voilà, juste pour préciser. Mais il n'y a plus de morts. Voilà, mais juste pour préciser. Et puis une dernière chose, Frontex, l'agence européenne qui s'occupe des frontières européennes, a précisé qu'effectivement les navires de sauvetage seraient trop présents en Méditerranée, à la limite des eaux libyennes, ce qui encouragerait les passeurs. Ça, c'est Frontex. J'appelle nos auditeurs à lire l'agence européenne, le rapport de Frontex, l'agence officielle de Bruxelles. Ils disent tout ce que j'ai dit aujourd'hui est écrit noir sur blanc sous la plume de Fabrice Leggeri, le patron de Frontex. C'est-à-dire qu'on a les navires des ONG qui sont à la limite des eaux territoriales libyennes pour dire venez, montez sur nos bateaux. Appelés par les passeurs qui sont des réseaux d'islamistes et de voyous, ils vont secourir des gens qui en fait sont des illégaux qui ont parfaitement assumé ce qu'ils ont fait. Ce ne sont pas des gens qui ont échoué en Méditerranée. Méditerranée en allant à la pêche, ce sont des réseaux de délinquants et d'illégaux qui sont aidés par des ONG qui sont les alliés objectifs des réseaux criminels. Merci Alexandre Delval, merci à Rémi de Gironde. 13h46, je me tourne vers toi, Tiffaine l'Alsacienne, pour le résultat de ce Brunet-Métry. Qu'est-ce que le courage en politique selon vous? Et pour ce résultat final, vous êtes 19% à penser que c'est accueillir les 629 migrants de l'Aquarius comme le proposent les Espagnols, et 81% à dire non comme les Italiens. Merci beaucoup. Le français de l'étranger, direction, l'Italie, Bologne.